son malheureux, moins qu'à vos misères, et moins vais pas mort, et moins pas dignitaire. Qu'un caroulé au moins ni bonnet l'un qu'a songé cet immun là les faut payer l'oye cas là les yon dit yo tombé malade. En cas d'y a pas couillonnade. Et moins qu'à mander moins. Qui j'en moins que faire. Rêvant moins bien loin. Moi la cachembe.